L'Église te pardonne pour tous tes péchés. Embrasse la Madone, penche-toi sur ses pieds et n'oublie pas l'aumône. Une pièce, un billet, de la thune qui sonne pour que l'Église te pardonne. Tu as peur de l'après, tu veux savoir ce qui va se passer. Va-t-il se racheter, trouver un assaut, à parrainer quelques BA dans l'année, et le tour est joué. Alors là je reste quoi? Le texte jamais ne change. Tu joues à la perfection. J'y crois, je chante avec toi. Allonge tout ensemble, c'est notre choix.